Cinquième cahier. Campagne de Prusse et de Pologne. Entrevue de Tilsit. On me fait caporal. Campagne d'Espagne et d'Autriche. Je suis nommé sergent. Les princes alliés venaient faire leur cour à Napoléon, et il les régalait de belles revues. Nous montions la garde chez ces princes qui nous donnaient tous plus ou moins. Pour les grands fonctionnaires, c'est Monseigneur Cambacérès qui était le moins généreux. Jamais plus d'une demi-bouteille aux factionnaires qui étaient à l'entrée. Aussi nous faisions la grimace lorsque notre tour tombait chez lui. Nous étions surchargés de service, 8 heures de faction et 2 heures de patrouille qui font 10 heures par nuit. De planton pendant 24 heures sans se déshabiller, il fallait descendre au premier coup de rappel et répondre présent. Tous les jours la garde descendante avait 24 heures de planton à faire. Puis c'était de grandes manœuvres qui nous tenaient toute la journée dans la plaine des Sablons et aux Tuileries. L'empereur fit venir beaucoup d'artillerie, des fourgons, des caissons. Il les fit ouvrir pour s'assurer si rien n'y manquait. Il montait sur les roues pour voir si rien n'était oublié, surtout la pharmacie, des pelles et les pioches. Il faisait l'inspection sévère, M. Larrey présent pour la pharmacie et les chefs du génie pour les pelles et pioches. Il les menait durement si tout n'était pas complet. C'était l'homme le plus dur et le meilleur. Tous tremblaient et tous le chérissaient. L'ordre fut donné de passer la revue de linge et chaussures et l'inspection des armes pour faire campagne. L'empereur nous passa en revue et nous eûmes l'ordre de nous tenir prêts à partir. Nos officiers nous disaient que nous partions pour un congrès, que l'empereur de Russie et le roi de Prusse s'y trouveraient réunis. Mais arrivés sur les frontières de Prusse, on nous lit à l'ordre que la guerre était déclarée avec la Prusse et la Russie. Nous partîmes dans les premiers jours de septembre 1806 pour nous diriger sur Würzburg, où l'empereur nous attendait. Cette ville est belle, elle a un château magnifique. Il y eut grande réception des princes par Napoléon. De là, les corps d'armée furent dirigés sur Iéna à marche forcée. Nous y arrivâmes le 13 octobre, à 10 heures du soir. Nous traversâmes cette ville sans la voir. Pas une seule lumière ne nous éclairait. Tout le monde était parti. Silence absolu. Arrivé contre la ville, au pied d'une montagne rapide, comme le toit d'une maison, il fallut grimper et nous mettre en bataille de suite sur le plateau. Sur le bord de ce précipice, il fallait nous placer à tâtons. Personne ne se voyait. Il fallait faire le plus grand silence. L'ennemi était près de nous. On nous fit mettre de suite en carré. L'empereur au milieu de la garde. Notre artillerie arrivait au pied de cette terrible montagne, et ne pouvant pas la franchir, il fallut élargir le chemin et couper les roches. L'empereur était là qui faisait travailler le génie. Il ne quitta que lorsque le chemin fut terminé, et que la première pièce de canon passa devant lui, attelée de 12 chevaux, sans parler ni faire le moindre bruit. On montait 4 pièces par voyage, et on les mettait de suite en batterie devant notre front de bandière. Puis on retournait avec les mêmes chevaux au pied de cette montagne pour les atteler à d'autres. Une partie de la nuit fut employée à ce pénible travail, et l'ennemi ne s'en aperçut pas. L'empereur se plaça au milieu de son carré et nous permit de faire 2 à 3 feux par compagnie. Nous étions 220 par compagnie. Il nous fut permis de partir pour aller chercher des vivres, à 20 par compagnie. Le voyage n'était pas long. Nous pouvions jeter une pierre du haut dans la ville. Toutes les maisons étaient désertes. Ces pauvres habitants avaient tout abandonné. Nous trouvâmes tout ce dont nous avions besoin, surtout du vin, du sucre. Il y avait des officiers pour maintenir l'ordre, et dans 3 quarts d'heure, nous étions en route pour remonter, chargés de vin, sucre, chaudière et des vivres de toutes espèces. Nous avions des bougies pour nous éclairer pour descendre dans les caves, et nous trouvâmes dans les gros hôtels beaucoup de vin cacheté. On fit porter du bois, et les feux s'allumèrent, avec le vin et le sucre dans les chaudières. Nous bûmes à la santé du roi de Prusse toute la nuit, et tout le vin cacheté fut partagé. Il y en avait en profusion. Chaque grenadier avait 3 bouteilles, 2 dans le bonnet à poil et 1 dans sa poche. Toute la nuit, on eut le vin chaud. Nous emportâmes à nos braves canonniers, qui étaient morts de fatigue, et ils nous remercièrent. Leurs officiers furent invités à venir prendre le vin chaud avec les nôtres. Nos moustaches furent bien arrosées. Mais défense de faire du bruit. Quelle punition pour nous de ne pouvoir parler ni chanter. Tout le monde avait de l'esprit dans la tête. L'empereur nous voyait si sages que cela le rendait joyeux. Avant le jour, il était à cheval pour visiter son monde. L'obscurité était si profonde qu'il fut obligé de se faire éclairer pour se conduire, et les Prussiens, voyant des lumières qui se promenaient le long de leur ligne, firent feu sur Napoléon. Mais il continua sa course, rentra à son quartier général et fit prendre les armes. Le petit jour ne paraissait pas encore que les Prussiens nous souhaitèrent le bonjour, le 14 octobre, par des coups de canon qui passèrent par-dessus nos têtes. Et un vieux soldat d'Égypte dit « Les Prussiens sont enrhumés, les voilà qui toussent, il faut leur porter du vin sucré. » Toute l'armée se porta en avant sans y voir d'un pas. Il fallait tâter comme des aveugles, nous heurtant les uns contre les autres. Au bruit du mouvement qui s'entendait devant nous, on reconnut qu'il fallait faire halte et commencer l'attaque. Notre brave maréchal Lannes se fit entendre à notre gauche. Ce fut le signal pour toute la ligne. On ne se voyait qu'à la lumière de la fusillade. L'empereur nous fit avancer rapidement contre leur centre. Il fut obligé de nous dire de nous modérer et de nous arrêter. Leur ligne était percée comme celle des Russes à Austerlitz. Le maudit brouillard nous gênait, mais nos colonnes avançaient toujours, et nous avions du terrain pour nous reconnaître. Sur les 10 heures, le soleil vient nous éclairer sur un beau plateau. Là, nous pûmes nous voir en face. Nous aperçûmes à notre droite un beau carrosse et des chevaux blancs. On nous dit que c'était la reine de Prusse qui se sauvait. Napoléon nous fit arrêter pendant 1 heure, et nous entendîmes sur notre gauche une fusillade épouvantable. L'empereur envoie de suite un officier pour savoir ce qui se passait. Il était en colère. Il prenait des prises de tabac et il piétinait devant nous. L'officier arrive et lui dit « Sire, c'est le maréchal Ney qui est aux prises avec ses grenadiers et ses voltigeurs contre une masse de cavalerie. » Il fit partir de suite sa cavalerie, et tout le monde marcha en avant. Lannes et Ney furent maîtres de la gauche. L'empereur s'y porta et il ne grogna plus. Le prince Murat arrive avec ses dragons et ses cuirassiers. Ses chevaux tendaient la langue. On ramena une division entière de Saxons. C'était pitié à voir, car le sang ruisselait sur la moitié de ces malheureux. L'empereur les passa en revue, et nous leur donnâmes tout notre vin, surtout aux blessés, ainsi qu'à nos braves cuirassiers et dragons. Nous avions bien encore 1000 bouteilles de vin cachetées, et nous leur sauvâmes la vie. L'empereur leur donna le choix de rester avec nous ou d'être prisonniers, disant qu'ils ne faisaient pas la guerre à leur souverain. L'empereur, après la bataille gagnée, nous laissa à Iéna. Il partit pour voir les corps de Davoust et Bernadotte. Sur notre droite, on entendait le canon de très loin, et l'empereur envoya l'ordre de nous tenir prêts à partir. Nous passâmes la nuit dans cette malheureuse ville déserte. L'empereur revint, on ramassa les blessés, et nous les emmenâmes sur Weimar, une belle ville. Nous eûmes une affaire sérieuse, à l'attaque de Hassenhausen, contre beaucoup de cavalerie. Mais le prince Murat en fit son affaire. Nous marchâmes sur Erfurt, sans pouvoir attraper les corps d'armée de Davoust et Bernadotte, qui ramassèrent tous les bagages des Prussiens et des canons. Nous perdîmes beaucoup de monde. Le 25, nous arrivâmes à Potsdam. Nous eûmes séjour le 26 et le 27 à Charlottenbourg, beau palais du roi de Prusse, qui fait face à Berlin. Cet endroit est boisé jusqu'à la porte d'entrée de cette belle capitale. On ne peut rien voir de plus joli. Cette porte est surmontée d'un beau char de triomphe et les rues sont tirées au cordeau. De la porte de Charlottenbourg, pour arriver au palais, il y a une allée au milieu et des bancs pour les curieux. L'empereur fit son entrée, le 28, à la tête de 20 000 grenadiers et de nos cuirassiers, et de toute notre belle garde à pied et à cheval. On peut dire que la tenue était aussi belle qu'aux Tuileries. L'empereur était fier dans son modeste costume, avec son petit chapeau et sa cocarde d'un sou. Son état-major avait le grand uniforme, et c'était curieux pour des étrangers de voir le plus mal habillé maître d'une si belle armée. Le peuple était aux croisées comme les Parisiens le jour de notre arrivée d'Austerlitz. C'était magnifique de voir un si beau peuple se porter en foule sur notre passage et nous suivre. On nous forma en bataille devant le palais, qui est isolé devant et derrière par de belles places et un beau carré d'arbres, où le grand Frédéric est sur un piédestal avec ses petites guêtres. Nous fûmes logés chez les habitants et nourris à leurs frais avec une bouteille de vin par jour. C'était terrible pour les bourgeois, car le vin valait 3 francs la bouteille. Ils nous prièrent, ne pouvant pas se procurer de vin, de prendre de la bière en cruchon. À l'appel, tous les grenadiers en parlèrent à nos officiers, qui nous dirent de ne pas les contraindre à donner du vin, que la bière était excellente. Nous portâmes la consolation dans toute la ville, et la bière en cruchon ne fut pas épargnée. Il n'est pas possible d'en boire de meilleure. La paix et la bonne harmonie régnaient partout. Il n'était pas possible d'être mieux, et tous les bourgeois venaient, avec leurs domestiques, nous apporter notre repas et bien servi. La discipline était sévère. Le comte Uhlin était gouverneur de Berlin. Le service était rigoureux. L'empereur passa la revue de sa garde devant le palais, du côté de la statue du grand Frédéric, auprès de Beautilleul. Derrière la statue sont trois rangées de bornes de 5 pieds de haut, avec barres de fer enclavées. Nous étions en bataille devant le palais. L'empereur arrive, fait porter les armes, croiser la baïonnette. Notre colonel répétait le commandement. Il commande demi-tour. Le colonel répète, puis, en avant, pas accéléré, marche. Et nous voilà arrêtés contre les bornes de 5 pieds de haut. L'empereur, nous voyant arrêtés, dit « Pourquoi ne marches-tu pas ?» Le colonel répond « On ne peut passer. »« Comment t'appelles-tu »« Frédéric. » L'empereur, avec un ton sévère, lui dit « Pauvre Frédéric, commande en avant. » Et nous voilà sautant par-dessus les bornes et les barres de fer. Il fallait nous voir escalader. Le corps du maréchal Davoust fit son entrée dans Berlin, le premier, et marcha sur la frontière de Pologne. Nous apprîmes, avant de partir de Berlin, que Magdebourg s'était rendu. L'empereur régla ses comptes avec les autorités de Berlin, et nous partîmes pour rejoindre les corps qui se portaient sur la Pologne. Arrivés à Posen, nous fîmes séjour. Nos corps marchaient sans relâche sur Varsovie. Les Russes eurent la bonté de nous céder cette de belle ville, mais ils ne furent pas généreux pour les vivres. Ils emportèrent tout de l'autre côté et ravagèrent tout le pays, ne laissant que ce qu'ils ne purent emporter. Ils firent sauter tous les ponts, emmenèrent tous les bateaux. L'empereur montra du mécontentement. Déjà à Posen, je l'avais vu monter à cheval si en colère qu'il sauta par-dessus son cheval de l'autre côté et donna un coup de cravache à son écuyer. On nous fit mettre en position avant d'arriver à Varsovie. Nous aperçûmes les Russes de l'autre côté d'une rivière sur une hauteur commandant la route. On rassembla 1500 nageurs, on les fit passer à la nage avec leurs cartouches et leurs fusils sur leur tête. À minuit, ils tombèrent sur les Russes, endormis, autour de leur feu. On s'empara de la position et nous fûmes maîtres de la droite du fleuve. Mais les barques nous manquaient. Le maréchal Ney, qui avait fait des prodiges sur Torne, nous envoya des barques pour faire des ponts. L'empereur fut au comble de sa joie et dit « Cet homme est un lion ». L'empereur fit son entrée la nuit dans Varsovie. Les grenadiers d'Oudino et nous arrivâmes de jour. Ce bon peuple vint au-devant de nous pour voir cette belle colonne de grenadiers. Ils s'efforcèrent de bien nous recevoir. Les Russes leur avaient tout emporté. Il fallut acheter des grains et des bœufs pour nourrir l'armée, et les Juifs firent de bonnes affaires avec Napoléon. Il nous arriva des vivres de tous côtés. On fit faire du biscuit. On peut dire que les Juifs sauvèrent l'armée tout en faisant leur fortune. Lorsque l'empereur fut en mesure pour recommencer la campagne et que ses troupes furent pourvues de vivres, il passa de grandes revues. La dernière eut lieu par un froid des plus rigoureux. Il arrive pendant la revue un bel équipage. Un petit homme descend de voiture et se présente à l'empereur devant la garde. Il avait 117 ans et il marchait comme à 60. L'empereur voulut lui donner le bras. « Je vous remercie, sire, dit-il, c'était à ce qu'il paraît le doyen de la Pologne. » Les gelées étant arrivées au point où on le désirait, on fit faire la distribution de biscuits pour 14 jours. J'achetais du jambon pour 20 francs, et je n'en avais pas une livre. Personne ne pouvait rien avoir pour de l'argent. Nous entrâmes par un temps des plus rigoureux, en décembre, dans un pays tout désert, couvert de bois, avec des routes de sable. On ne trouva personne dans ces malheureux villages. Les Russes nous faisaient place, et nous trouvions leur bivouac désert. On nous fit marcher la nuit, et nous arrivâmes près d'un château à minuit. Ne sachant pas où nous étions, nous posâmes nos sacs sous des noisetiers dans un bivouac abandonné par les Russes. En posant mon sac, je sens une petite hauteur. Je tâte dans la paille. Dieu, quelle joie pour moi! 2 pains de munitions de 3 livres chacun. Je me mets à genoux devant mon sac. Je l'ouvre, je prends un de mes pains et le place dans mon sac. Pour l'autre, je le partage en morceaux. Il faisait si nuit que personne ne me vit. « Que faites-vous ? » dit mon capitaine Renard. Lui prenant la main et y mettant un morceau de pain, je lui dis « Silence, gardez mon sac et mangez. Je vais chercher du bois. » Je partis avec 4 hommes de mon ordinaire et nous trouvâmes une pièce de canon braquée devant le château. Nous démontâmes la pièce et nous apportâmes les roues et les affûts. Arrivés près de notre capitaine avec ses morceaux monstrueux, nous fîmes un feu pour toute la nuit. Quelle bonne nuit! Nous fûmes nous cacher, nous deux, mon capitaine, pour nous régaler de ce bon pain. Je lui dis, j'en ai un dans mon sac, vous aurez votre part demain soir. Le lendemain, nous partîmes pour prendre à droite dans des sables et des bois. Et voilà un temps affreux, neige, pluie et dégel. Voilà le sable qui plie sous nos pieds, et l'eau qui surnage sur le sable mouvant. Nous enfoncions jusqu'aux genoux. Il fallait prendre des cordes pour attacher nos souliers sur le cou de pied, et quand nous arrachions nos jambes de ce sable mouvant, les cordes cassaient et les souliers restaient dans la boue détrempée. Parfois il fallait prendre la jambe de derrière pour l'arracher comme une carotte et la porter en avant, puis aller rechercher l'autre avec ses deux mains et la rejeter aussi en avant avec nos fusils en bandoulière pour pouvoir nous servir de nos mains. Et toujours la même manœuvre pendant 2 jours. Le découragement commençait à se faire sentir dans les rangs des vieux soldats. Il y en eut qui se suicidèrent dans le transport des souffrances. Nous en perdîmes bien 60 dans le trajet de 2 jours pour arriver à Plustux, un mauvais village couvert en paille. La chaumière que l'empereur habitait ne valait pas 1000 francs. C'était là le but de notre misère. Il ne fut pas possible d'aller plus loin. Nous campâmes sur le front de ce pauvre village que l'on nommait Plustux. Pour établir notre bivouac, nous fûmes chercher de la paille pour mettre sous nos pieds. N'en trouvant pas, nous prîmes des gerbes de blé pour pouvoir nous maintenir sur terre, et les granges furent pillées. Je fis plusieurs voyages. Je rapportai une auge que les grenadiers à cheval n'avaient pu enlever. Ils me la chargèrent sur le dos, et j'arrivai à mon bivouac en faisant trembler mes camarades, qui étaient des colosses auprès de moi. Mais Dieu m'avait donné des jambes fines comme celles d'un cheval arabe. Je retourne encore au village. Je rapporte un petit pot, 2 œufs et du bois. J'étais mort de fatigue. Non, jamais l'homme ne pourra peindre cette misère. Toute notre artillerie était embourbée. Les pièces labouraient la terre. La voiture de l'empereur, avec lui dedans, ne put s'en tirer. Il fallut lui mener un cheval près de sa portière pour le sortir de ce mauvais pas, pour se rendre à Plustux. Et c'est là qu'il vit la désolation dans les rangs de ces vieux soldats qui se faisaient sauter la cervelle. C'est là qu'il nous traita de grognards, nom qui est resté et qui nous fait honneur aujourd'hui. Je reviens à mes 2 œufs. Je les mis dans mon petit pot devant le feu. Le colonel Frédéric, qui nous commandait, vint vers mon feu, car c'est moi qui, le plus courageux dans l'adversité, avait le premier fait un feu de maître. Voyant un aussi bon feu, il vint à notre bivouac, et voyant un petit pot devant, il dit « Il va bien, le pot au feu ?»« Oui, colonel, c'est 2 œufs que j'ai trouvés. »« Ah bien, dit-il, puis-je compter sur un ?»« Oui, colonel. »« Eh bien, je reste près de votre feu. » Je fus chercher 2 gerbes de blé pour le faire asseoir, et je lui mets ces 2 gerbes. Puis je vais prendre mes 2 œufs, il m'en donne un. En le prenant, il me donne 1 napoléon et me dit « Si vous ne prenez pas ces 20 francs, je ne mangerai pas de votre œuf. Il vaut cela aujourd'hui. » Je fus contraint de prendre les 20 francs pour 1 œuf. Les grenadiers à cheval occupaient le village de Plustux. Ils découvrirent un énorme cochon et le poursuivirent dans notre camp. Comme il passait devant notre bivouac, je me lance après cette bonne proie, le sabre à la main. Le colonel Frédéric, qui parlait gras, me criait « Coupe-lui le jarret !» Je me lance, le joins et lui coupe les 2 jarrets, puis je lui passe mon sabre au travers du cou. Le colonel arrive avec les grenadiers, et il fut décidé que, l'ayant arrêté, il m'en appartenait 1 quartier, et les 2 rognons. Je fus chercher de suite du sel chez l'empereur. Je trouvai mon lieutenant de service. Je lui demandai du sel et un pot de la part du colonel, ajoutant que j'avais arrêté 1 gros cochon que les grenadiers à cheval poursuivaient. « C'est, me dit-il, le cochon de la maison. » L'empereur est furieux, on a enlevé son pot-au-feu. Heureusement, ses cantines viennent d'arriver, et il a fini par en rire, mais il avait le ventre serré comme les autres. « Mon lieutenant, je vous apporterai 1 grillade dans 1 heure. »« C'est bien, mon brave, allez la faire cuire. » Arrivé, je trouve le colonel qui m'attendait. Voilà du sel et une grande marmite. « Nous sommes sauvés, dit-il. » « Mais, colonel, c'est le cochon de la maison de l'empereur, et on lui a pris son pot-au-feu. »« C'est pas possible. » « C'est la vérité. » Les grenadiers et les chasseurs à cheval partirent à la maraude pour tâcher d'avoir des vivres pour demain. Ils arrivèrent le soir avec des pommes de terre et l'on fut à la distribution. Faite par ordinaire, elle donna 20 pommes pour 18 hommes. C'était pitié pour chacun une pomme de terre. Le colonel et mon petit capitaine Renard furent bien chauffés et mangèrent chacun 1 rognon. Tout fut partagé en famille. Le colonel me prit à l'écart et me demanda si je savais lire et écrire. « Non, lui répondis-je. Que c'est fâcheux. Je vous aurais fait passer caporal. Je vous remercie. » L'empereur fit appeler le comte d'Orsène et lui dit « Tu vas partir avec ma garde à pied et rentrer à Varsovie. Voilà la carte. » « Il ne faut pas suivre la même route. tu perdrais mes vieux grognards. Tu me feras ton rapport des manquants. Vois ta route pour rentrer à Varsovie. » Nous partîmes le lendemain par des chemins de traverse, toujours d'un bois à l'autre. Nous arrivâmes à 3 lieues de Varsovie dans un état de misère la plus complète, les yeux caves et les joues enfoncées, la barbe pas faite. Nous ressemblions à des cadavres sortant du tombeau. Le général Dorset nous fit former le cercle autour de lui et nous fit des reproches sévères, disant que l'empereur était mécontent de ne pas voir plus de courage dans l'adversité, qu'il avait tout supporté comme nous. « Aussi, dit-il, il vous traite de grognard. » Nous criâmes « Vive le général !» Les habitants de Varsovie nous reçurent à bras ouverts, le 1er janvier 1807. Le peuple ne savait que nous faire, et l'empereur nous laissa reposer dans cette belle ville. Mais cette petite campagne de 14 jours nous avait vieilli de 10 ans. Après avoir passé quelque temps à Varsovie, on nous fit partir en avant dans de mauvais villages. Les habitants avaient tout emporté et emmené leurs bestiaux dans des forêts très éloignées de leur village. Comme la faim met le loup hors du bois, étant réduit à la dernière misère, nous partîmes 12 hommes bien armés pour fouiller la forêt à 1 lieue de notre village, par des neiges 1 pied de haut. Arrivés là, nous trouvâmes les pas d'un homme, nous les suivîmes, et nous arrivâmes dans un camp de paysans sur le revers d'une montagne. Tous leurs animaux étaient attachés et les marmites au feu. Ils furent saisis et n'osèrent faire feu sur nous. Il y avait des chevaux, des vaches, des moutons, tout fut détaché, et nous prîmes de la farine et du pain en très petite quantité. Nous arrivâmes à notre village avec 208 bêtes, et le partage se fit moitié pour nous, moitié pour les paysans. On leur laissa tous leurs chevaux, -4 pour faire la correspondance d'un village à l'autre, et 4 paysans pour nous servir de guides. Ce furent les conditions du partage. Il est malheureux repartir avec leur part. Nous fîmes du pain de suite. Il y avait si longtemps que nous en avions mangé, qu'aussitôt sortis du four, mes camarades le mangèrent, au point d'en être victimes. 2 étouffèrent, nous ne pûmes les sauver. Nous trouvâmes dans notre maison des pommes de terre sous le carrelage d'une chambre, à 6 pieds de profondeur. Cela nous sauva la vie. Nous n'avons pas à nous louer des Polonais. Ils avaient tout enfoui. Tout leur village était désert. Ils auraient laissé périr un soldat à leur porte sans le secourir. Les Allemands ne quittaient jamais leur maison. C'est l'humanité en personne. J'ai vu un maître de poste tué dans sa maison par un Français et sa maison servir d'ambulance. Le maître était sur le lit de mort, tandis que sa fille et sa femme cherchaient du linge pour panser nos blessés. Elle disait « C'est la volonté de Dieu. Ce trait est sublime. » Dans les derniers jours de janvier, nous reçûmes l'ordre de nous tenir prêts à partir. Les Russes avaient fait un mouvement sur Varsovie. Quelle joie pour des affamés! On va donc nous sortir de la misère. Le général Dorsen reçut l'ordre de faire lever les cantonnements et de partir le 30 janvier. L'empereur était parti le même jour pour se porter en avant. Nous ne le joignîmes que le 2 février. Il s'en alla de suite. Le 3, nous partîmes pour le rattraper. On nous dit que nous marchions sur Eylau et que les Russes gagnaient la ville de Königsberg pour s'embarquer, mais ils nous attendaient dans une position en avant d'Eylau qui nous coûta cher. Les bois et les hauteurs furent emportés, et on les serra de près. Ils prirent la route qui conduit à Eylau, à droite sur des mamelons. Là, ils se battirent en déterminés. Ils perdirent enfin leur position. Le prince Murat et le maréchal Ney les poursuivirent dans Eylau, pêle-mêle dans les rues. La ville fut occupée par nos troupes, malgré les efforts faits pour la reprendre. Le 7 février, l'empereur nous fit camper sur une hauteur en face d'Eylau et nous fit faire son feu. Nous portâmes du bois, des bottes de paille, et il nous demanda une pomme de terre par ordinaire. Nous lui en portâmes 20. Il s'assit, au milieu de ses vieux grognards, sur une botte de paille, un bâton à la main. Nous le voyions retourner ses pommes de terre, en faire le partage à ses aides de camp. Le 8 février, les Russes nous souhaitèrent le bonjour du grand matin par des bordées de canons. Tout le monde sur pied. L'empereur, à cheval, nous fit porter en avant sur le lac avec toute notre artillerie et toute la cavalerie de sa garde. La foudre venait nous trouver sur ce lac gelé. Ils avaient 22 pièces de siège amenées de Königsberg qui nous foudroyaient. Les obus traversaient les maisons et faisaient des ravages épouvantables dans nos rangs. Il n'est pas possible de souffrir davantage que d'attendre la mort sans pouvoir se défendre. Un beau trait de notre fourrier, un boulet lui emporte la jambe. Il coupe un peu de chair qui restait et nous dit « J'ai 3 paires de bottes à Courbevoie. J'en ai pour longtemps. » Il prit 2 fusils pour se servir de béquilles et fut à l'ambulance tout seul. À force de perdre du monde, l'empereur nous fit porter en avant sur la hauteur, notre gauche appuyée à l'église, et lui présent avec son état-major près de cette église et observant l'ennemi. Il eut la témérité de se porter près du séminaire où il se passait un carnage horrible et répété. Ce cimetière fut le tombeau d'une quantité considérable de Français et de Russes. Nous fûmes les maîtres de cette position. Mais à droite, en face de nous, le 14e de ligne fut taillé en pièces. Les Russes pénétrèrent dans leur carré et ce fut un carnage horrible. Le 43e de ligne perdit la moitié de son monde. Un boulet vint couper le bâton de notre aigle entre les jambes du sergent-major et fit un trou à sa redingote, par devant et par derrière. Heureusement, il ne fut pas blessé. Nous criâmes « En avant, vive l'empereur !»